أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bi khayran yufaqqihhu fid din. C'est-à-dire: celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc nous sommes dans le mois béni de Ramadan, le mois de l'adoration, du jeûne, du Coran, des prières surrogatoires. Il convient à la personne donc d'occuper son temps par l'adoration de Allah et de profiter de ce temps-là pour semer pour l'au-delà. إذن نحن في شهر رمضان شهر الخيرات والبركات والعبادة شهر القرآن شهر قيام الليل فعلى الإنسان أن يغتنم هذا الوقت في طاعة الله ويزرع لآخرته. Donc nous avions parlé des obligations du jeûne, mettre l'intention, s'abstenir, et on a insisté qu'il faut s'arrêter avant l'aube, prendre la précaution et donc faire attention de ne pas manger après l'aube en suivant simplement ses passions et ses désirs. C'est vrai que, surtout dans la région parisienne et les pays du Nord plus haut aussi, la nuit est courte. La personne doit patienter. Donc l'excuse de ne pas jeûner, c'est pas juste pour le simple désir de manger ou de fumer, mais pour celui qui a une maladie qui fait que c'est insupportable pour lui de jeûner ou un âge avancé. Et nous parlerons comment il rattrape. Donc c'est sûr, toujours il faut rattraper jour pour jour, sauf celui qui a une maladie, on a dit, incurable ou un âge avancé ou ne pourra pas jeûner. Là, il faut une compensation, nourrir, donc donner à nourrir aux pauvres musulmans pour chaque jour. إذن ذكرنا عن الصيام وأركانه من نية وامتناع عن المفطرات من الفجر إلى الغروب، وأكدنا أن يمتنع عن المفطرات قبل دخول الفجر فيتأكد وليس مجرد يتبع الشهوة ويعتمد مجرد الإذاعة أو الرزنامات التي فيها أخطاء. وقلنا في ناحية باريس تقريب 4 ساعات ليل، وفوق ما فوق يكون أقل في الناحية الشمالية. فالإنسان يصبر ويحتسب لله، وليس مجرد شهوة الأكل عذر، إنما إن كان مريضا يشق عليه الصوم أو كبيرا في السن هذا يجوز له الإفطار. Donc justement, on avait expliqué que l'aube véritable commence quand le soleil est à 18 degrés sous l'horizon. Donc ça a été dit par les astronomes musulmans et par les autres astronomes aussi, c'est ce qu'ils appellent l'aube astronomique. إذن ذكرنا أن الفجر الصادق يدخل عندما تكون الشمس 18 درجة تحت الأفق. هذا ما ذكره علماء الفلك المسلمون وغيرهم. Donc ce qui donne en ce moment فجر vers 2h10 en ce moment, dans la période 11-12 juin. Et donc on a dit, quand tu montes vers le nord, des fois le signe, il y a le soleil, il se couche même pas en fait. Donc ça, ça arrive pas à Paris, mais il arrive un autre phénomène, c'est que le soleil n'arrive pas, ne descend pas assez bas sous l'horizon, et donc il n'arrive pas dans une période donc de l'année, n'arrive pas assez bas pour atteindre 18 degrés sous l'horizon. Donc ainsi, dans certaines régions et à certaines périodes de l'année, il n'y a pas de nuit noire. La lueur blanche reste visible toute la nuit, même du côté de l'horizon est. Donc le signe qui indique le début du sobh y est donc absent. Donc les savants ont indiqué la méthode à suivre dans ce cas, où le signe qui indique le début du sobah est absent. Donc c'est des cas donc qui arrivent seulement au nord de la latitude 48 donc, degrés et 33 minutes, et aux alentours du 21 juin. En effet, au nord de l'équateur, le soleil n'atteint pas 18 degrés sous l'horizon dans les régions dont la latitude est supérieure à 48 degrés et 33 minutes, au nord d'une ligne joignant Strasbourg à Saint-Brieuc en passant par Melun. Ceci pendant une période de l'année de temps plus longue que l'endroit est situé plus au nord. Cette période dure autant de jours avant le 21 juin qu'après. Donc par exemple à Paris, c'est de 12 au 30 juin. Donc il n'y a pas de nuit noire. Donc le signe qui indique le sobh est absent. Donc comment faire? Bah il faut, ils ont dit les savants, voir la région la plus proche où le signe qui indique le début du sobh est présent. C'est-à-dire, il y a une nuit noire, après, il y a l'aube. Donc, comme on est dans cette période-là, donc effectivement, si quelqu'un va observer, il va trouver tout le temps, il y a l'aube, toute la nuit. Comment faire? Il faut prendre la région la plus proche, qui est située au sud de cette même région. Donc, où il y a noir total, nuit, la nuit noire, et puis apparition. C'est-à-dire que le soleil atteint les 18 degrés sous l'horizon. Donc les savants de l'islam mentionnaient que pour déterminer l'horaire du sobah pour une ville A, où la lueur blanche ne disparaît pas, il faut se baser sur l'observation à l'endroit B le plus proche, où a lieu une apparition de l'aube après l'obscurité de la nuit. Donc par exemple, ceci est mentionné dans le livre Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Shuja' Al-Khatib Al-Sharbini. Donc en page 101, édition de 1940. 1359 de l'Hégire. إذن في بعض النواحي الشمالية التي أعلى من خط 48 درجة و 33 دقيقة حول يعني تاريخ 21 جوان قبل وبعد إذن لا يغيب الشفق الأبيض يبقى كل الليل لأن الشمس لا تصل إلى 18 درجة تحت الأفق إذن فالعلامة التي تدل على بداية الصبح لا توجد فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ قال علماء الإسلام أنه ينظر إلى الناحية الأقرب من هذه الناحية وتكون في الجنوب إذن على نفس خط الطول حيث يغيب الشفق ويكون الليل مظلم ثم يظهر الفجر هذه الحالة تكون في باريس مثلا من 12 جوان إلى 30 جوان La Yarib al-Fajr. Donc les savants de l'islam ont dit, cet endroit B qu'on cherche se trouve plus au sud, à la même longitude de la ville A dont on veut déterminer l'horaire. La ville A où l'aube ne disparaît pas. Donc on va regarder la ville B qui se trouve plus au sud. Étant donné qu'on cherche l'endroit le plus proche de A où la lueur blanche disparaît, il y a apparition de l'aube. Donc cette ville B sera l'endroit au sud de A, où le soleil atteint la hauteur de 18 degrés sous l'horizon, au milieu de la nuit solaire. Par conséquent, l'horaire du sobah pour la ville A, en question, commence aussi au minuit solaire local, même si le soleil n'atteint pas 18 degrés sous l'horizon à cet endroit-là. Ce moment correspond néanmoins au moment le plus sombre de la nuit dans cette ville A. Donc, précisant que le milieu de la nuit solaire a lieu au même instant dans les deux endroits A et B, car ils se trouvent à la même longitude. Idan, إذا كان في ناحية لا يغيب الشفق فينظر إلى ناحية تحتها على نفس خط الطول حيث يغيب هذا الشفق ويظهر الفجر بعده يعني أين الشمس تصل 18 درجة تحت الأفق فقال العلماء فيكون هذه يعني الناحية التي نقارن بها ونعتمد عليها تكون يعني الشمس في نصف الليل نصف الليل الشمسي تكون الشمس وصلت 18 تحت درجة تحت الأفق وبما أن هذه الناحية الثانية في نفس خط الطول لكن في الجنوب أكثر مع الناحية التي الشخص يكون فيها فقالوا يكون إذن كذلك وقت الصبح هنا في الناحية الأولى نصف الليل الشمسي وإن كانت الشمس لا تصل 18 درجة تحت الأفق يعني ويبقى البياض فيكون هذا وقت الفجر اعتمادا على الناحية الثانية إلى نصف الليل الشمسي وسنرى كيف يحسب نصف الليل الشمسي quand il disparaît pas en fait dans la région on prend le milieu de la nuit solaire comme temps de subh. Donc la synthèse de ce qu'on vient de dire. إذا ملخص ما قلنا أنه في الناحية التي أنت فيها إذا كان الشفق الأبيض لا يغيب ويبقى يعني كل الليل ولا يظهر ولا تظهر علامة دخول الصبح فهنا نأخذ بنصف الليل الشمسي في هذه الناحية ويكون علامة على بداية الصبح. Donc la nuit solaire dure du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. On divise par deux. Le milieu de cet intervalle de temps, c'est-à-dire à minuit solaire, le soleil au plus bas en dessous de l'horizon cette nuit-là, et se trouve en direction du nord géographique. إذا نصف الليل الشمسي هو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. في نصف هذا الوقت الشمس تكون أكثر ما تكون يعني تحت الأفق. أكثر ما تكون تحت الأفق في نصف الليل الشمسي. وتكون الشمس في جهة الشمال. Donc à minuit solaire, si on se déplace vers le sud d'un degré de latitude, à la même longitude, le soleil descend d'un degré en plus en dessous de l'horizon. Donc pour résumer, donc il y a des périodes de l'année où le soleil n'atteint pas les 18 degrés sous l'horizon, dans certaines régions, les régions du nord, comme on a indiqué, et dans Paris, par exemple, c'est les 12 ou 30 juin, donc il n'y a pas le signe qui indique le début du sobah. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On prend comme début du sobah le milieu de la nuit solaire, dans cet endroit-là. Milieu de la nuit solaire, c'est calculé à partir coucher jusqu'au lever du soleil divisé par deux. Ça sera considéré le début du sobah. Et ce sera la période la plus sombre de la nuit, même si c'est pas totalement sombre, mais c'est la période la plus sombre parce que le soleil sera au plus bas. Après, il remonte en fait, mais il n'atteint pas les 18 degrés sous l'horizon. إذن ملخص ما قلناه أن في بعض البلاد الشمالية وفي فترة من السنة قريبة من 21 جوان الشمس لا تصل إلى 18 درجة تحت الأفق فبالتالي إذن لا يكون الليل كامل الظلام ويبقى الشفق الأبيض كل الليل فهنا قلنا نأخذ يعني علامة الصبح غائبة فماذا نفعل قلنا نأخذ بنصف الليل الشمسي في هذه الناحية ويكون هذا بداية الصبح نصف الليل الشمسي قلنا من الغروب إلى شروق الشمس نصف هذه الفترة. Aussi précaution à prendre lors de l'observation de l'horaire du sobah. Quand le soleil atteint les 18 degrés sous l'horizon, la luminosité est très fine, avant de s'élargir et de se répandre. À ce moment-là, la pollution lumineuse a un très grand impact sur la capacité de distinguer la lumière de l'aube de celle des villes. Il est à noter que cette pollution lumineuse n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il était donc très facile de distinguer l'aube à son début, c'est-à-dire le contraste entre la lumière du jour et l'obscurité de la nuit, ou tout début de l'apparition de l'aube. Si l'on cherche à observer l'apparition de l'aube, il convient d'en tenir compte et de s'éloigner complètement de toute pollution lumineuse. Il convient de choisir aussi une nuit en début ou en fin de mois lunaire, pour éviter que la lumière de la lune ait ce même impact sur la visibilité. Pourquoi au milieu ou à la fin du mois lunaire? Parce que vers le milieu du mois lunaire, la lune est grande et elle a une grande luminosité qui peut gêner l'observation. Donc, il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas de nuages ou de brume. L'humidité et la poussière ont aussi un impact. Tous ces éléments ont été pris en compte quand nous avons vérifié les horaires du sobah. Nos observations nous ont permis de vérifier que le temps du sobah commence effectivement quand le soleil atteint les 18 degrés sous l'horizon. إذن كذلك احتياط يعني عندما يراقب وقت الصبح وهو أنه عندما الشمس تكون 18 درجة تحت الأفق الضوء يكون قليل قبل أن يتسع وينتشر إذن فضوء الكهرباء ضوء القمر قد يمنع الرؤية الصحيحة للصبح في أول وقته وهذا لم يكن يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكان سهل أن يروا الفجر في أول وقته فمن أراد المراقبة فيأخذ هذا في الاعتبار وينتبه حتى لا يكون له غيوم ورطوبة وغبار لأن هذا يمنع يعني الرؤية الصحيحة للفجر في أول وقته فنحن أخذنا كل هذا في الاعتبار عندما شاهدنا وراقبنا وقت الصبح وتأكدنا أن الصبح يدخل عندما تكون الشمس 18 درجة تحت الأفق. Donc la personne, elle peut vérifier, donc en tenant compte de ces choses-là. فالإنسان يستطيع أن يذهب ويراقب ويأخذ بالاعتبار هذه الأشياء التي ذكرنا. Donc bien sûr, pour s'arrêter de manger, on fait une précaution avant. C'est ce qui est marqué comme imsek. Donc une précaution avant. Et pour la prière, on fait une précaution après. إذن فالإمساك عن المفطرات الاحتياط يكون قبل هذا الوقت وتأدية صلاة الفجر الاحتياط يكون بعد إذن هذا الوقت يزيد وللإمساك يحتاط قبل حتى يتأكد donc pour être sûr la personne prend la précaution et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش c'est-à-dire il y en a ils pensent faire le jeûne mais ils gagnent que la faim et la soif. Donc si la personne elle a bien fait, elle a bien suivi les précautions, bien sûr, donc elle s'arrête avant l'aube et elle rompt le jeûne après être assurée que le soleil s'est couché. Ou elle voit ou elle demande à des gens qui ont vu. Donc le prophète, alayhi salam, il a dit, donc on a vu les obligations du jeûne, on va voir quelque chose de recommandé. Donc il est recommandé de faire certaines choses lors du jeûne, de s'empresser à rompre le jeûne, une fois qu'on s'est assuré du coucher du soleil. C'est pas juste en suivant la radio. En raison du hadith, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. Ce qui signifie les gens vont bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne. Rapporté par Muslim. إذن إنسان إذا تأكد يعني بالدليل الشرعي من غروب الشمس ليس مجرد الإذاعة رآها أو سأل من رأى وراقب هنا يسن له بتعجيل الفطر. كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة رواه مسلم. Il est aussi recommandé de rompre le jeûne avec des dates. Si on n'en trouve pas, que l'on rompe avec de l'eau et ceci avant d'accomplir la prière de l'Maghrib, conformément au hadith. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Ce qui signifie lorsque l'un de vous rompt le jeûne, qu'il le rompe avec des dattes, car certes cela comporte une bénédiction. S'il n'en trouve pas, qu'il le rompe avec de l'eau, elle est certes purificatrice. ويسن كذلك أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء وهذا قبل تأدية صلاة المغرب. فقد ورد في الحديث إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه أبو داود. Et on dit اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ويقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. Donc ce qui signifie oh Allah, par recherche de ton agrément, j'ai jeûné et c'est avec la subsistance que tu m'accordes que j'ai rompu le jeûne. Ce qui signifie, ô Allah, par recherche de ton agrément, j'ai jeûné, et c'est avec la subsistance que tu m'accordes que j'ai rompu le jeûne. Rapporté par Abu Daoud. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait lorsqu'il rompait son jeûne, « ذهب الظمأ » وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ce qui signifie la soif est partie, les veines sont irriguées et la récompense est confirmée si Allah le veut. Rapporté par Abu Daoud. إذن هذا ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام عند إفطاره. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Donc comme on a dit, il est indispensable avant de rompre le jeûne de s'être assuré du coucher du soleil. Il ne suffit pas de se fier simplement à l'appel à la prière de la radio. Il arrive parfois qu'il y ait lieu certaines précipitations à diffuser l'appel avant son temps, comme cela a déjà eu lieu dans le passé dans certains pays. ولا بد قبل الإفطار من التأكد من غروب الشمس ولا يكفي الاعتماد على مجرد الإذاعة. فقد حصل سابقا أن نشروا الأذان عبر الإذاعة قبل دخول وقته. هذا حصل في بعض البلاد. Il est aussi recommandé de retarder le sahur, le dernier repas, jusqu'à la fin de la nuit, avant l'aube, même si c'est une gorgée d'eau. D'après Anas, qui a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Ce qui signifie, prenez le sahur. Certes, il y a dans le sahur une bénédiction, rapportée par Muslim. Idan, wa ta'khir al-sahur, yusan kadhalika, kama warada fil hadith. إلى آخر الليل لكن قبل الفجر كما ذكرنا ولو بجرعة ماء. فعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة رواه مسلم. De même, il est encore plus important pour le jeûneur de préserver sa langue du mensonge, de la médisance, des paroles vulgaires et autres encore parmi les choses interdites. Donc les choses interdites sont interdites donc pendant Ramadan ou après. Mais la personne fait attention encore plus pendant Ramadan. كذلك يتأكد في حق الصائم صون لسانه عن الكذب والغيبة والكلام البذيء وغير ذلك من الأشياء المحرمة. Sache mon frère musulman qu'il est plus facile de faire preuve de patience pour persévérer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala que d'avoir enduré son châtiment. Donc patiente, en te gardant des interdits, patiente, en faisant un jeûne correct, notamment en s'abstenant bien avant l'aube, pour être sûr que le jeûne est valable, et de rompre bien après le coucher du soleil. لِيُعْلَمْ أَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِرَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ فَعَلَيْكَ بِاجْتِنَابِ الْحَرَامِ وَخَاصَّةً أن تمتنع عن الأكل قبل الفجر حتى يكون صيامك صحيحا وتفطر بعد تأكد من غروب الشمس. Donc la personne évite notamment les grands péchés pendant Ramadan, comme on a expliqué, ne pas aider au péché, comme vendre l'alcool, parce que aider au péché c'est un péché. Aider à la mécréance c'est de la mécréance, et là ça annule le jeûne. Donner à manger à quelqu'un en bonne santé pendant la journée de Ramadan est un grand péché, même un verre d'eau. Et le péché c'est noté pour le musulman et le non-musulman. Donc aider un musulman ou un non-musulman à manger pendant Ramadan, alors qu'il n'est pas malade, ben c'est un grand péché. Donc il faut patienter en obéissant à Dieu. C'est plus facile que de patienter dans le châtiment. Là, c'est des grands péchés. Et si c'est aider à la mécréance, c'est de la mécréance. Emmener quelqu'un dans un lieu, il va faire la mécréance, c'est de la mécréance. Donc c'est comme si quelqu'un, par exemple, il aide quelqu'un à aller voler. C'est un péché. Et manger pendant Ramadan, c'est un péché. Donc si tu aides à ce péché, que ce soit voler ou manger pendant Ramadan, il y a un péché. Donc aider au péché, c'est un péché. Donc beaucoup, malheureusement, ils tombent dans ces grands péchés-là, et l'ignorance n'est pas une excuse. Et se rendre licite le péché, là, c'est encore plus grave, c'est de la mécréance qui annule l'islam. Ça veut dire qu'il faut revenir à l'islam par les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad, et le messager de Dieu, en délaissant la mécréance. فعليك أن تصبر حتى تطيع الله ولا تقع في المعاصي الكبائر كما يفعل الكثير من بيعهم الخمر والإهانة على المعصية أو بعضهم يعينون على الكفر بأن يحمل شخصا لمكان يعبد فيه غير الله فيخسر كل ثوابه وعليه أن يرجع للإسلام بالشهادتين أو يطعمون الناس الطعام في نهار رمضان وهذا كبيرة إذا إنسان أعان غيره على أن يذهب ويسرق حرام لأن السرقة حرام وإن أعان غيره أن يأكل في نهار رمضان أو يشرب الماء فهذا حرام لأن الأكل في رمضان حرام إلا إذا كان الشخص مريضا معذورا والحرام يكتب على المسلم والكافر فإن أعان مسلما كافرا على الأكل في رمضان يكون وقع في كبيرة كلما أعان غيره على الأكل في رمضان يقع في كبيرة وإن استحل المعصية يكون خرج من الإسلام وخسر كل الثواب وعليه أن يرجع الإسلام بالشهادتين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. البخاري ومسلم ont rapporté de la parole de Abu Huraira que Allah l'agré que le messager de Allah a dit إنما الصوم جنة أي وقاية فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. Ce qui signifie, certes le jeûne est une protection lorsque l'un d'entre vous fait le jeûne, qu'il ne commette pas de grands péchés, qu'il ne fasse pas preuve d'injustice envers les gens, Ici, quelqu'un le provoque ou l'insulte, qu'il dise « Je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner. » فقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرفث ولا يجهل هذا يدل على تحريم والامتناع عن كبائر. Donc le prophète dans ce hadith, il interdit bien de commettre les grands péchés. Et puis dans le Coran, Allah Ta'ala dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فِي تَحْرِيم الْإِعَانَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. Donc dans ce verset qui signifie « Entraidez-vous pour le bien et la piété » et ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice. Il y a bien l'interdiction d'aider au péché. Aider un musulman, un non-musulman au péché est un péché. إعانة المسلم أو غير المسلم على ما حرم الله فهو حرام. De la même façon, il est encore plus important pendant Ramadan de s'empêcher d'écouter tout ce qui est interdit d'écouter et d'empêcher le reste des organes comme la main, le pied, de commettre les péchés et les interdits. Comme souvent ils tombent souvent dans la médisance qui est citée ton frère en islam parce qu'il lui déplaît en son absence. ويتأكد كذلك في رمضان الامتناع عن الاستماع لما هو حرام الاستماع إليه ومنع الجوارح كاليد والرجل من فعل المحرمات وكذلك يمتنع الإنسان عن الغيبة التي يقع فيها كثير من الناس وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره في خلفه. De même, il est recommandé de faire preuve de beaucoup de générosité, d'entretenir les liens de proche parenté, de réciter beaucoup le Coran, si quelqu'un il a bien appris la récitation avec des gens qui connaissent, et de faire retraite dans la mosquée à l'Atikaf, et plus particulièrement pendant les 10 derniers jours. Pendant les 10 derniers jours. Ainsi, Muslim a rapporté d'après Ibn Omar que le prophète faisait retraite dans la mosquée pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Bien sûr, la personne doit apprendre le minimum indispensable de la science de la religion auprès de gens dignes de confiance par transmission orale. Et comme on a dit, donc nous dispensons des cours gratuits, il suffit de faire la demande par mail sur le site, et des cours de récitation aussi. Et puis la personne qui a des prières à rattraper, elle doit s'occuper du rattrapage après avoir appris comment rattraper et comment prier correctement. ويسن كذلك الإكثار من الصدقة وصلة الأرحام وقراءة القرآن القراءة الصحيحة بعد أن تلقاها من أهل الثقة والمعرفة وأن يعتكف في المسجد وخصوصا في العشر الأواخر كما ثبت عن مسلم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان وعلى الإنسان أن يتعلم علم الدين الضروري من أهل الثقة والمعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم كيغير la science et la religion est une obligation pour chaque musulman. فيمكنكم طلب الدروس المجانية بإرسال ميل. عندنا دروس في عدة أماكن مجانية في علم الدين الضروري وقراءة القرآن. Il est aussi recommandé de dire si on a été insulté, je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner. إني صائم إني صائم يقول هذا عندما يشتم كما ورد في الحديث. Il est recommandé de donner de quoi rompre le jeûne au jeûneur. ويسن كذلك أن يفطر الصائمين. Donc si tu donnes de quoi rompre le jeûne à un jeûneur qui n'a pas de quoi rompre son jeûne, tu gagneras la récompense que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a promise. من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. Ce qui signifie celui qui donne de quoi rompre son jeûne à un jeûneur aura une récompense comparable à la récompense du jeûneur, sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée, rapporté par At-Tirmidhi. C'est-à-dire ici, ça veut dire qu'il a une grande récompense, c'est ça qui est visé par le hadith. Donc semblable à la récompense du jeûneur, mais qui ne sera pas totalement égale de tous les points de vue. En effet, celui qui a jeûné le mois de Ramadan accomplit une obligation. Quant à celui qui lui a donné de quoi rompre le jeûne, il fait un acte surrogatoire. Et l'acte surrogatoire n'est pas équivalent à l'acte obligatoire. L'acte obligatoire est supérieur à l'acte surrogatoire. Donc le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith qudsi, « قال الله عز وجل, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. » Ce qui signifie, Allah, azza wa jal, dit, ce qui signifie, mon esclave ne se rapprochera pas plus de mon agrément que parce que j'ai rendu obligatoire sur lui. إذن في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. قال علماء الإسلام معناها له أجر كبير، أجر يشبه أجر الصائم من غير أن يكون شبيها له تماما من جميع الوجوه، لأن الذي يصوم رمضان يكون أدى فرضا، والذي يفطره يكون فعل سنة نافلة، والنافلة لا تساوي الفرض في الشريعة، الفرض أعلى من النافلة. كما ورد في الحديث القدسي قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فالفرض أعلى من النافلة. إذن هذا معنى الحديث، فلهذا لا يجوز الإنسان يفسر برأيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يجوز في الإسلام أن نساوي الفرض بالنفل، لأن هذا يكون تكذيب للدين، تكذيب الدين مخرج من الإسلام. Donc bien sûr la religion s'apprend par transmission orale et ce n'est pas par la simple lecture de livres ou de sites. Il faut apprendre par transmission orale. Donc c'est les savants qui expliquent le hadith. Et comme on a dit, l'obligation n'est pas équivalente au surrogatoire. Car considérer l'obligatoire équivalent au surrogatoire, c'est un démenti de la religion. Et démentir la religion annule l'islam. Donc le hadith veut bien dire que c'est une récompense qui est semblable de certains points de vue. Et pour montrer que c'est une grande récompense. Mais l'obligation du jeûne, d'accomplir le jour de jeûne, est supérieure à l'acte recommandé qui est le fait de donner à manger au jeûneur. فصيام الفرض أعلى من نافلة إطعام الصائم. Donc aussi, il est recommandé de jeûner les six jours de Shawwal, conformément au hadith. Il est aussi recommandé de jeûner six jours durant le mois de Shawwal, à l'exception du jour de Eid al-Fitr, c'est-à-dire le premier jour de ce mois. Le mois de Shawwal est le mois qui succède à Ramadan. ويسن صيام ست من شوال غير يوم العيد أي اليوم الأول وشهر شوال هو الشهر الذي يكون بعد رمضان. Il n'est pas une condition de jeûner ces six jours successivement, les uns à la suite des autres, ni de les commencer immédiatement après le jour de la fête de Eid al-Fitr, mais cela est préférable. لا يشترط أن يصوم هذه الأيام متتابعة ولا أن يبدأها فورا بعد يوم العيد. لكن هذا مستحب. Donc il est recommandé aussi de les jeûner successivement après le jour du Eid, premier Shawwal. La sunna est réalisée même si on les jeûne séparés dans le mois de Shawwal. فالسنة تحصل حتى ولو صامها متفرقة ضمن شهر شوال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. Ce qui signifie celui qui jeûne le mois de Ramadan et six jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année, rapporté par Abu Daoud. Cela pour montrer la grande récompense. Et bien sûr, cela ne veut pas dire de ne pas jeûner plus que cela. En effet, plus la personne jeûne des jours en plus de cela, et plus elle a des récompenses. C'est une manière de montrer la grande récompense, mais bien sûr, plus la personne jeûne, il y a d'autres jours recommandés dans l'année, comme Ashura, etc. Arafa. Donc plus la personne jeûne, plus elle a des récompenses. Dans d'autres contextes, Ad-Dahr linguistiquement peut signifier toute la vie aussi. Le mot Ad-Dahr qui est cité dans le hadith. إذن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. هذا كذلك لبيان عظم هذا الثواب والحث على صيامه. Donc c'est pour inciter aussi à jeûner. وليس معناه أن لا يصوم إلا هذا ويمتنع عن النوافل الأخرى التي هي خلال السنة كعرفة وعاشوراء وغير ذلك. فكل ما يصوم الإنسان أكثر من هذه الأيام كلما يزداد ثوابه. وهذا يبين لنا أن العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، وليس للإنسان أن يفسر الأحاديث برأيه وهواه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bien sûr, ceci nous montre bien que la science de la religion, c'est par transmission orale, c'est pas par une interprétation personnelle de son propre avis. Comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, innama al-ilmu bit-ta'allum. C'est-à-dire, certes, la science de la religion est par transmission orale. Et Allah Ta'ala dit, fas'alu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamun. C'est-à-dire, demandez aux gens de la connaissance si vous ne savez pas. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الطاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.